Bon, alors, dites-moi, hein, bon, alors. Ah ouais, mon pote, tu parles français, tu restes entier. The French style. Et donc, merde. Bon, ouais. Dites-moi. Bon, Bon. Bon, qui parle. Non. Alors.